الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On est aujourd'hui au cours numéro 44 dans l'explication de عقيدة أهل السنة والجماعة, le شرح de Sheikh Ibn Uthaymeen Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen رحمه الله تعالى. Donc, on était en train d'expliquer le passage dans lequel le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit « وَلَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْحُلُولِيَّةِ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ إِنَّهُ مَعَ خَلْقِهِ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ ضَالٌ لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص بما لا يليق به من النقائص. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, donc on est arrivé à la partie où il dit, par conséquent nous ne disons pas à propos, nous ne disons pas à la façon des gens de Al-Hululiyya. Al-Hululiyya, parmi les Jahmiyya et autres. C'est-à-dire, Al-Hululiyya, c'est ceux qui pensent ou qui disent que Dieu est dans toutes choses, mélangé avec sa création. Et parmi les gens qui disent ce genre de paroles, il y a les Al-Hululiyya, les gens qui croient en Al-Hulul. Al-Hulul, أن الله يحل, يحل في مخلوقاته. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il est fusionné, mélangé avec sa création. On les appelle Al-Hululiyya. Et parmi les Hulul, les gens de Hulul ou Al-Hululiyya, il y a la secte des Jahmiyyah qui croit en cette aqidah, que Dieu est mélangé avec sa création et qu'il est partout et qu'il est tout et qu'il est en tout. Et il y a aussi les Soufiyyah, parmi certaines catégories des Soufiyyah qui croient que Allah est mélangé avec sa création et qu'il est mélangé avec ses créatures, comme ceux qui croient par exemple en Wahdatul Wujud, l'unicité de l'existence, comme Ibn Arabi et d'autres. Et le Cheikh il dit donc, nous ne disons pas à la façon de Al-Hululiyya. Al-Hululiyya est parmi eux les Jahmiyyah, que Allah se trouve avec ses créatures sur terre par son être. Et nous considérons que celui qui dit cela est kafir ou égaré. Nous considérons que celui qui dit cela est kafir ou égaré, car il a décrit Allah par ce qui ne lui convient pas parmi les différentes imperfections. Et le Cheikh il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, il explique ce passage. Il dit kafirun bi balghatihi ou bi kafirun in balaghathu al-hujja wa anna hadha mustahilun 'ala Allah وأنه نقص في حقه أو ضال إن لم يكن كذلك. Donc il dit, on le considérera mécréant si la personne, on a établi la preuve contre lui et on lui a prouvé que cela est impossible. On ne peut pas dire ça à propos d'Allah, c'est impossible de dire ce genre de choses à propos d'Allah, qu'il est mélangé avec sa création, hein? Et que c'est une imperfection de lui attribuer ce genre de choses. Et que c'est, et sinon, si on n'a pas établi la preuve contre lui et qu'il dit cette parole-là, dans ce cas-là, on ne dirait pas qu'il est kafir, mais qu'il est plutôt égaré. Jusqu'à ce qu'on établisse la preuve. Il dit, فَعَلَى كُلِّ حَالٍ هَذَا الْقَوْلُ مَرْفُوضٌ لَكِنْ قَائِلُهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَافِرًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ضَالًا حَسَبَ مَا تَقْتَضِيهِ حَالُهُ. Il dit, de toute façon, cette parole est rejetée Et la personne qui a dit cette parole est soit mécréante ou soit égarée selon ce que la, sa situation et son état impliquent. Car il a attribué à Allah ce qui ne lui convient pas, ce qui ne lui convient pas parmi les imperfections. Donc il a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui ne lui sont pas attribuables et qui ne lui sont pas convenables parmi les imperfections. Il dit ensuite ثم اعلم أن مقتضى المعية عام وخاص فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بالخلق فهي معية عامة كقوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم وقوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا فهذه يسميها العلماء معية عامة والمقصود بها بيان إحاطة الله عز وجل وتكون المعية للتهديد كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فالمقصود بذلك تهديد هؤلاء ووعيدهم. Donc le cheikh il dit que ensuite tu dois savoir que ce qui est impliqué aussi par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec sa créature, hein, et l'accompagnement de sa créature, il y a un sens de ça qui est général et un sens de ça qui est spécifique. Et il dit que si l'objectif, ou ce qui est voulu, le but de mentionner le fait que Allah est avec sa création, c'est de mentionner que Allah subhanahu wa ta'ala, il enveloppe toutes choses, hein, eh bien, dans ce sens, c'est un accompagnement qui est général. C'est une ma'iyya, le fait qu'il est avec sa création de façon générale, comme lorsqu'il mentionne dans le verset 4, dans Surat al-Hadid, et il est avec vous où que vous soyez. Et dans le verset 7, dans Surat al-Mujadala, et ni moins que cela, ni plus, excepté qu'il est avec vous où que vous soyez. Hein? Le verset, si vous regardez le verset 7, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. Il n'y a pas de paroles secrètes qui sont prononcées, hein, entre trois personnes, excepté que c'est lui le quatrième. ولا خمسة إلا هو سادسهم. Et ni six personnes, ni entre six personnes, excepté ni entre cinq personnes, excepté qu'il est le sixième. Ni moins que cela, ni plus, excepté qu'il est avec eux, là où ils sont. Hein? Ou là où vous soyez, il est avec vous. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ici mentionne qu'il est avec nous, où que nous soyons, c'est, hein, comme le cheikh il dit, فَهَذِي يُسَمِّيهَا الْعُلَمَا مَعِيَةٌ عَامَّةٌ. Ça c'est une forme d'accompagnement de la part d'Allah qui est générale et qui montre et qui clarifie le fait que Allah subhanahu wa ta'ala enveloppe toute chose de sa science, hein, de son oui, de sa vue. Il est avec vous par sa science. Et il dit وَتَكُونُ الْمَعِيَّةُ لِلْتَهْدِيدِ. Et aussi parfois il mentionne qu'il est avec eux ou qu'il est avec ceux qui font des choses parfois pour les menacer, comme il mentionne dans le verset 107, dans Surat An-Nisa, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah, c'est-à-dire ils cherchent à se cacher des hommes et ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah alors qu'il est avec eux. Lorsqu'ils écrivent des poèmes, hein, et des paroles qui ne plaisent pas, hein, des paroles qui ne sont pas agréés, Allah est avec eux à ce moment-là. Et ça, c'est une forme de menace que Allah subhanahu wa ta'ala leur fait pour savoir qu'il est au courant de ce qu'ils font et de leurs ruses et de leurs moqueries et de leurs complots. وقد يكون المراد بها النصر والتأييد وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص فالمقيدة بوصف مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين فهنا لم تقيد بشخص وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لم تقيد بشخص بل قيدت بوصف فمن كان متقيا محسنا كان الله معه ومن كان صابرا كان الله معه وقد تقيد بشخص كقوله تعالى وإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا كقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. Donc le cheikh il dit que c'est possible également que la mention du fait que Allah est avec ses créatures, hein, dans le sens de l'accompagnement qu'il est avec eux, il dit le cheikh ici ça peut également être dans le sens de du fait qu'il donne sa victoire et son support à celui qui est mentionné ou à celui qui possède une description qui est mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala dans la révélation. Donc soit une description ou soit une personne à qui il a donné son aide et son support et sa victoire. Et il donne des exemples de qu'est-ce qu'il a mentionné par rapport à la description. Il dit, lorsque Allah mentionne dans le verset 128, dans Surat al-Nahl, il mentionne une caractéristique ou une description. Il dit, Allah est avec ceux qui ont la taqwa, inna Allah ma'a alladhina taqaw. Donc il est avec ceux qui ont fait preuve de piété, وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ et ceux qui font preuve de bienveillance. Hein? Donc il est avec ceux qui possèdent ces deux caractéristiques de taqwa et de ihsan. Le verset 46 dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ et faites preuve de patience car certes Allah est avec les patients et les endurants. Hein? Donc ici c'est une autre caractéristique que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il est avec eux. Et lorsqu'il dit qu'il est avec cette catégorie de personnes, ça veut dire qu'il est avec eux dans le sens qu'il leur donne son support et sa victoire. Et parfois c'est mentionné en relation avec une personne. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parfois c'est mentionné relié à une personne en particulier, comme le cas de يعني, Moussa et Haroun alayhim assalam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 40 ici c'est le verset 46 dans surat Taha, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de Moussa et de Haroun, il dit ne craignez pas, je suis avec vous deux, j'entends et je vois, je suis avec vous deux, j'entends et je vois, dans le sens qu'il les supporte et qu'il les aide et qu'il leur donne la victoire. Et le verset 40 dans surat At-Tawbah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que son compagnon Abu Bakr radiyallahu anhuma, radiyallahu anhu wa sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 40 dans surat At-Tawbah, lorsqu'il dit à son compagnon ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Allah est avec nous lorsqu'ils étaient dans la grotte. Donc c'est-à-dire qu'il est avec eux dans le sens qu'il les supporte et qu'il les aide et qu'il leur donne sa victoire. هذه انواع هذه اربعه انواع الاول ان يكون المقصود بها بيان الاحاطه والثاني ان يكون المقصود بها التهديد والثالث ان يكون المقصود بها النصر والتأييد لكن مقيد بوصف والرابع أن يكون المقصود بها النصر والتأييد ولكن مقيد بشخص وكل هذه الأنواع لا تنافي علو الله عز وجل فإن هذه المعية ثابتة فإن هذه المعية ثابتة على الوجه الحقيقية على وجه الحقيقة لكن لا تنافي علو الله فهو مع خلقه وهو على عرشه. Donc le Cheikh il dit, il y a quatre catégories qui ont été mentionnées à propos du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures. La première catégorie, qu'est-ce que Allah veut dire par le fait qu'il est avec elles? C'est dans le sens qu'il les enveloppe de sa science et qu'il les enveloppe de sa connaissance. Il les entend et il les voit. Et également, il sait tout ce qu'ils font. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est Allah est avec ses créatures dans le sens qu'il les menace du fait qu'il est au courant de ce qu'ils font. Lorsqu'ils font des choses qui sont interdites ou qui sont mauvaises, ou des péchés, ou des ruses, ou des complots contre les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux. Et lorsqu'il dit qu'il est avec eux dans ce sens-là, ça c'est pour les menacer et pour leur faire savoir qu'il n'est pas insouciant de ce qu'ils font et qu'il est au courant de leurs complots et de leurs ruses. Et que, yani, ils auront une rétribution pour ça. Le point numéro 3 ou la troisième catégorie, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il est avec ses créatures, c'est parfois dans le sens du support et de l'aide et de la victoire. Et c'est l'exemple de lorsque c'est rattaché à une description, comme on a mentionné tout à l'heure, le fait d'avoir la piété, d'avoir la patience, c'est des choses qui mentionnent donc qu'Allah est avec ceux qui ont ces caractéristiques-là, et ça veut dire dans ce sens-là le support et l'aide. Et le point numéro 4, c'est lorsque c'est rallié à une personne en particulier, au lieu d'une description, eh bien c'est dans ce sens-là aussi, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il est avec ses prophètes. C'est dans le sens qu'il les supporte et qu'il les aide et qu'il leur donne sa victoire. Ensuite, le Cheikh il dit que toutes ces différentes catégories-là de ma'iyya, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il est avec ses créatures, ça ne vient pas en contradiction avec le fait qu'il soit au-dessus de ses créatures et au-dessus de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il dise qu'il est au-dessus de ses créatures, ça ne vient pas contredire le fait qu'il soit avec ses créatures en même temps. Et il dit que le fait que Allah soit avec ses créatures, ça c'est confirmé et c'est affirmé, et on doit le prendre dans son sens réel. Et il n'y a pas de contradiction avec le fait qu'il soit au-delà de ses créatures, au-dessus de ses créatures, et qu'il soit avec ses créatures et sur son trône en même temps. Donc, tout ça c'est, il n'y a pas de contradiction entre aucune de ces choses-là. Après il dit le Cheikh, فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان والإنسان يشمل المؤمن والكافر والعابد وغير العابد والداعي وغير الداعي قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول نحن أقرب إليه بملائكتنا فإنه قيد القرب بقوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان ولكن donc le Cheikh il dit si quelqu'un posait la question n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 16 et 17 dans surat Qaf il dit et nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui soupire, ce que lui suggère son âme, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire lorsque yani, les deux anges prennent en note ses paroles lorsqu'il dit quelque chose. Et le Cheikh il explique que quelqu'un pourrait poser la question ici. L'homme, quand on dit l'être humain, ça peut comprendre le croyant, ça peut comprendre le non-croyant, ça peut comprendre l'adorateur, ça peut comprendre celui qui n'est pas adorateur, ça peut comprendre celui qui invoque, qui appelle et celui qui n'appelle pas. Donc, dans ce cas-là, comment on peut comprendre ce verset, c'est pas comme les, certains parmi les gens de l'égarement qui ont compris le verset en disant que ça, ça signifie que Allah est à l'intérieur de ses créatures puisque il est plus près d'elle que la veine jugulaire, et la veine jugulaire elle est à l'intérieur du cou. Donc eux ils prétendent que ça c'est une preuve que Allah est mélangé avec ses créatures. Toutefois ça c'est pas la signification du verset. Et le Cheikh il dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, lorsque Allah dit qu'il est plus près de nous que notre veine jugulaire, c'est-à-dire plus près de nous par ses anges qui sont proches de nous, parce qu'on sait qu'il y a l'ange à droite et il y a l'ange à gauche, et les deux anges, ces deux anges-là sont chargés de noter et d'écrire tout ce qui sort de la bouche de l'être humain et de le noter dans le livre. Donc il est plus près de nous que notre veine jugulaire par ses anges. Et yani dans ce sens-là, il dit justement juste après, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al mutalaqqiyan, lorsque les deux scribes, hein, les deux anges écrivent, hein, ce que l'être humain fait à ce moment-là. Donc ça c'est la preuve que lorsqu'il parle ici de l'accompagnement et de l'al-ma'iyya, il parle, hein, du fait qu'il est plus proche de nous par sa science et par ses anges qui sont prêts et qui notent. Il dit voilà qu'il y a ridou ala hadha an yuqal kayfa yudifu Allah al-qurba ilayhi wal murad qurbu mala'ikatihi qulna la gharaba kama adafa al-qira'ata ilayhi والمراد قراءة ملائكته. قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالقارئ هو جبريل، فالله تعالى يضيف الشيء لنفسه ومراده ملائكته، يعني لأن ملائكته يفعلون بأمره فأضيف إليه فعله أو فعلهم فأضيف فعلهم إليه، أي نعم أضيف فعلهم إليه لأنه هو الآمر لهم جل وعلا. donc le cheikh il dit, si quelqu'un dit يعني comment est-il possible que ici on attribue la proximité et le rapprochement à Allah, hein, on dit que Allah est plus proche de lui que sa veine jugulaire, alors qu'il s'agisse en réalité de la proximité de ses anges. Il dit oui, le cheikh il dit il n'y a rien d'étrange dans ça, puisque Allah subhanahu wa ta'ala parfois il attribue une action à son ange, hein, une attribut à son ange, et il dit parfois il attribue par exemple la récitation à lui-même alors que c'est son ange qui récite, comme par exemple lorsqu'il dit à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le verset 17 dans surat al-qiyamah, il lui dit ne bouge pas ta langue pour te précipiter dans sa récitation, c'est à nous de le rassembler et de le réciter, et lorsque nous le récitons alors suis sa récitation. Et il dit, le récitateur ici, c'est Jibril. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue la chose à lui-même, alors qu'il veut en réalité parler de ses anges. Car les anges font uniquement par son commandement, c'est-à-dire par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, s'il attribue leur action, hein, il s'attribue leur action parce que c'est lui qui leur ordonne. C'est lui qui leur ordonne de faire quelque chose, donc hein, il s'attribue leur action. Il dit فالحاصل أن القرب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله خاص لا يكون عاما مسألة قول بعضهم الله استوى على العرش لكنه موجود في كل موجود يجب أن نطهر ألسنتهم منه أن نطهر ألسنتهم منه وهذا يحتاج إلى وقت وإذا كان معتادين ذلك أما عندنا في الحقيقة في بلادنا فلا يوجد هذا الكلام ويمكن أن يوجد في بلاد فيها بقايا صوفية أو ما أشبه ذلك فيقال لا يجوز أن تقولها ولكن قل إن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on peut dire pour en résumer c'est que la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une proximité donc ici qui est particulière et non générale comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et il dit ensuite en ce qui concerne la parole de certains qui disent que Allah est élevé sur son trône mais en même temps il est présent dans toute existence, le cheikh il dit il faut purifier notre langue de ce genre de propos et ça prend du temps, il faut nettoyer la croyance des gens de ce genre de paroles. Les gens se sont habitués à dire ce genre de choses, mais ça c'est tout à fait faux. Il dit en réalité, chez nous, il n'y en a pas beaucoup de gens qui disent ce genre de paroles, mais dans d'autres pays musulmans, tu peux trouver des gens qui ont des attachements au soufisme et à des croyances des soufis, et puis ils vont prononcer ce genre de paroles. Ils vont dire que Allah est présent sur toute chose ou dans toute chose, alors qu'il est au-dessus de son trône. Ça c'est tout à fait faux, c'est en contradiction avec la croyance des salafs et des sahaba et de ceux qui les ont suivis, puisque la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a à ce sujet-là, c'est que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, séparé de ses créatures et séparé de sa création. Il n'est pas en sa création et sa création n'est pas en lui. Donc il dit, il faut dire plutôt que Allah a la connaissance de toutes choses et il enveloppe toutes choses de sa science. Ensuite, il explique un autre passage dans le livre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُؤْمِنُوا بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةً. Donc ça c'est un autre passage encore dans le livre. Et ça c'est une autre attribut parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'attribut de la descente. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier tiers de la nuit. Et c'est ça que le cheikh il dit, nous croyons en ce que nous a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah descend chaque nuit. Il descend chaque nuit. Et Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Uthaymeen, pardon, il explique, il dit, وَقَوْلُهُ نُؤْمِنُ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons croire que comme nous a informé le messager d'Allah, que Allah il descend chaque nuit au dernier des cieux pendant le dernier tiers de la nuit. Ça c'est obligatoire pour nous d'y croire parce que ça fait partie de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné. Et le cheikh il dit نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك وأنه حق على حقيقته وأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس به وأصدق الناس خبرا وأحسن الناس حديثا وأخبر به عن ربه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر. الثلث الآخر. Donc le cheikh dit, nous croyons avec nos cœurs et nous avons la conviction en cela que c'est une vérité et c'est dans son sens réel. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a mentionné, et il est la personne la plus savante et la plus connaissante à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la plus véridique dans ses paroles, et celle qui parle le mieux parmi toutes les créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a informé à propos de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, en nous disant que Allah descend au dernier des cieux chaque nuit lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, radiallahu anhu. Donc c'est un hadith de la plus haute authenticité. Et il dit, والفعل ينزل مضاف إلى الله فيكون نزوله هو بنفسه عز وجل لا حاجة أن نقول بذاته لأن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه نفسه. Donc Allah سبحانه وتعالى il dit dans ce hadith que, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith que Allah, c'est lui qui descend. Yanzilu Rabbuna. Notre Seigneur, il descend. Donc ici, il a attribué la descente à sa propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui descend. Donc on n'a pas besoin de dire par son être, puisque il est attribué à sa personne déjà, lorsqu'il dit que c'est lui qui descend. Après, il dit, le cheikh, « Ila sama'i dunya » Donc, au ciel de la dunya. Le ciel qui, dans notre monde, le ciel de la dunya, c'est le dernier, le plus bas des sept cieux. Donc, on va lire l'explication, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là. Il dit, « Qawluhu ila sama'i dunya »« Ad-dunya al-qurba min al-nas » Ad-dunya, en arabe, ça veut dire celui qui est plus proche de nous. Ad-dunya, ça veut dire celui qui est le plus proche, le plus bas, le plus proche de nous. Et par exemple, quand tu dis en arabe, odno minni, odno, ça veut dire rapproche-toi de moi. Ad-dunu, c'est là le fait de se rapprocher. Et il dit al-qurba, donc ça veut dire la plus proche des hommes. Wa hiya asfal as-samawat, c'est le degré des cieux, le niveau, celui parmi les cieux qui est le plus bas par rapport aux autres. Yanzilu 'azza wa jal nuzulan yaliqu bihi subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala descend donc au dernier des cieux, au plus proche des cieux, le ciel qui est le plus proche de nous. Allah, il descend à ce ciel-là. Et il descend d'une manière qui convient à sa majesté et à sa grandeur et à sa perfection. Donc, dans cette descente d'Allah, il n'y a aucune imperfection impliquée. وَلَا يُمْكِنُ أَن نَتَصَوَّرُ كَيْفِيَتَهُ Et il n'est pas possible pour nous d'imaginer comment il descend au dernier des cieux. وَلَوْ حَاوَلَ الْإِنسَانُ تَصَوُّرَ كَيْفِيَتِهِ لأنكره ولهذا فالذين حاولوا أن يتصوروا الكيفية أنكروه. Le cheikh il dit, si une personne essayait d'imaginer comment Allah descend, elle serait forcée de le renier. Et c'est pour ça que ceux qui ont essayé d'imaginer comment Allah descend au dernier des cieux, tu trouves que ces gens-là sont tombés dans la négation de la tribu par la suite. وَفَقَالُوا كَيْفَ نُؤْمِنُ بِأَنَّهُ عَالٍ ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا هَذَا مُسْتَحِيلٌ فَنَقُولُ لَا تُحَاوِلْ أَن تَتَصَوَّرَ الْكَيْفِيَّةَ لِأَنَّهُ نُزُولٌ يَلِيقُ بِهِ وَلَا يُنَافِي كَمَالَهُ. Le Cheikh il dit, certains, donc comme on a dit, ils ont essayé de l'imaginer et ils ont nié par la suite à cause de ça. Et ils ont dit, comment pouvons-nous dire ou croire que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création et qu'ensuite il descend au plus bas des cieux? Donc eux ils ont dit, ça c'est impossible. Et nous disons, n'essaie pas de l'imaginer. N'essaie pas de comprendre ou d'imaginer en ton esprit le comment de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois uniquement savoir que Allah il descend au dernier des cieux, au plus bas des cieux, d'une façon qui lui convient, qui convient à sa perfection, qui convient à sa majesté, et qui ne n'oppose pas et ne nie pas du tout sa perfection. Il dit le cheikh, wa sahaba radiyallahu anhum, لما حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا لم يقولوا كيف ينزل يا رسول الله وهم ليسوا بأغبياء لا يعرفون بل يعرفون ولكن عندهم من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم من الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما منعهم أن يسألوا كيف ينزل فيؤمنون أنه ينزل سبحانه وتعالى وبذلك يكون أقرب إلى العباد. Donc le cheikh il dit, les sahaba, hein, les compagnons du prophète radiyallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a informé, leur a dit que Allah il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, ils n'ont pas posé de question au messager d'Allah en disant comment est-ce que Allah descend au messager d'Allah. Aucun d'entre eux n'a posé ce genre de question. Et ce ne sont pas des, hein, le cheikh il dit, ils ne sont pas stupides, hein. Ce ne sont pas des gens qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas. Non, ils savent très bien. Mais en même temps, ils ont un respect. Ils ont un respect dans leur façon d'agir envers Allah et dans leur façon d'agir envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui les empêche de poser ce genre de questions en disant comment est-ce qu'il descend. Non, ils ne vont jamais poser ce genre de questions-là par respect pour Allah. Hein? Alors il croit que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux, tel que Allah l'a dit, wa bidhalika fayakunu aqrab ila al-ibad, et ainsi il est plus proche de ses serviteurs et de ses créatures. Il dit le cheikh, fa in qala qa'ilun kayfa yanzilu qulna Allahu a'lam wa anta mubtadi' wa li hadha lamma su'ila الإمام مالك رحمه الله عن كيفية الاستواء قال ما أراك إلا مبتدعا أو ما أراك إلا مبتدعا ما أراك إلا مبتدعا أو لا ما أراك إلا مبتدعا فقل ينزل ولا تقل كيف ينزل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل ولو كان ذلك خيرا لنا لأخبرنا. Le cheikh il dit, donc si quelqu'un posait la question, mais comment Allah descend, nous lui dirions Allahu a'lam, Allah sait mieux, et tu n'es qu'un innovateur, hein? Pourquoi? Parce que quand l'imam Malik, un homme est venu lui poser la question, comment est-ce que Allah s'élève sur le trône? Il a dit, je ne te considère que comme étant un innovateur. Hein? Je ne te vois que comme un innovateur. Hein? Alors celui qui pose la question, comment il descend? Il dit, tu lui dis, il descend, et ne dis pas comment il descend. Parce qu'on n'a pas le droit de poser la question du comment à propos des noms et des attributs d'Allah. Et parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il descend, mais il ne nous a pas informé comment il descend. Si c'était un bien pour nous, il nous l'aurait dit. Donc s'il ne nous l'a pas dit, c'est pour notre bien. Il dit, فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ أَيْضًا هل إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش؟ Tu vois les questions parfois, certaines personnes, comment ils sont effrontés et comment ils n'ont pas de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ils osent poser ce genre de questions, Le cheikh il dit, et il y en a qui posent la question, qui disent, et est-ce que Allah, lorsqu'il descend au dernier des cieux, il se déplace de son trône, c'est-à-dire il laisse son trône vide? Quand il descend au dernier des cieux, est-ce que son trône il reste vide? Allah al-musta'an. Le cheikh il répond à ça, il dit, فلا تبحث عن هذا وأقول لمن سألني أنت مبتدع لأن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا لم يسألوا هل يخلو منه العرش أم لا وأنا أعجب أن يتكلم شيخ الإسلام بمثل هذا ويبحثه لكن شيخ الإسلام مضطر إلى البحث في هذا لأن الناس تكلموا فيه والتبعة على من تكلم به أولا وإلا فلا تجد حرفا واحدا أن أحدا من الصحابة سأل عن هذا أو سأل عن ذلك ونحن لسنا مكلفين بعلم هذا لو كنا مكلفين به لعلمنا الله إياه أو رسوله فالسكوت هنا هو الواجب ولكن إذا ابتلينا فنقول للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un pose la question, lorsque Allah descend au dernier des cieux, est-ce que son trône reste vide pendant à ce moment-là? Le cheikh il dit, par respect, on ne devrait jamais poser ce genre de questions. Et je dis à celui qui me pose ce genre de questions, tu es un mubtadi, tu es un innovateur, parce que les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ce hadith, il leur a dit, Allah il descend au dernier des cieux, à chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, et les sahaba n'ont jamais posé la question, est-ce que le trône est vide lorsque Allah descend? Il n'a jamais posé cette question-là. Et le cheikh dit, je suis étonné même, il dit, je m'étonne que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné ce genre de questions et qu'il a cherché à répondre à ce genre de questions-là. Il dit, mais Cheikh l'Islam, il n'avait pas le choix. Il était obligé de répondre à cette question-là. Parce que les gens sont rentrés dans ce genre de questions. Et les gens veulent rentrer dans la philosophie. Ils veulent rentrer dans toutes sortes de choses. Quand ils parlent à propos d'Allah, sans respect. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est obligé de leur répondre et de trouver les réponses à ces questions-là pour les réfuter. Alors le Cheikh, il dit, le problème, c'est pas de Cheikh l'Islam, du fait qu'il a répondu à ceux qui disent ce genre de paroles, mais le tort, il revient à ceux qui ont mentionné ce genre de propos en premier. C'est eux qui sont la cause et qui sont dans le tort. Et le cheikh il dit, wa illa fala harfan wahidan. Yani, de toute façon, il dit, si tu regardes dans les paroles des sahaba, tu vas pas trouver une seule parole de parmi leurs paroles qui supporte ce que ces gens-là prétendent. Et donc, il dit, aucun d'entre les sahaba n'a posé la question à propos de le trône, est-ce que lorsque Allah descend au dernier des cieux, il quitte le trône ou non? Ça n'a jamais été posé par les sahabas, ce genre de questions-là. Et donc, nous, on n'a pas été chargé de savoir ce genre de choses-là. Si on avait été chargé de savoir ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'aurait dit, ou bien son messager. Et le fait qu'il n'en ait pas parlé ici, eh bien, il dit, فَالسُّكُوتُهُنَا هُوَ الْوَاجِبُ. Donc, dans ce cas-là, c'est obligatoire de nous taire à ce sujet-là. Mais par contre, si on a été éprouvé par ce genre de sujet et ce genre de questions, alors dans ce cas-là, on doit, comme le cheikh il dit, on va dire, pour détailler à ce sujet-là, ce que les ulama ont dit à ce sujet. Il dit qu'ils se sont divisés en trois positions sur cette question. الأول يخلو منه العرش، الثاني لا يخلو منه العرش، الثالث التوقف ونقول الله أعلم. Donc la première position, ceux qui ont dit le, oui, il est, quand il descend au dernier tiers de la nuit, au dernier des cieux, son trône, hein, il n'est plus sur son trône à ce moment-là. Son trône, il est vide à ce moment-là. Ça, c'est une position. La deuxième position, ceux qui ont dit non, il ne se sépare pas de, il ne descend pas du trône, en voulant dire le trône ne se vide pas de lui lorsqu'il descend au dernier des cieux. Ça, c'est la deuxième position. La troisième position, c'est ceux qui n'ont pas répondu. Ils se sont abstenus de répondre. At-tawakkuf. C'est-à-dire, ils se sont arrêtés. Ils n'ont pas répondu ni oui, ni non. Ni à l'affirmative, ni à la négative. Donc, ils se sont abstenus et ils ont dit Allahu A'lam. C'est-à-dire, Allah, c'est lui qui sait mieux. Et le cheikh, il dit ensuite, wa cheikh al-islam يميل إلى أنه لا يخلو منه لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثني وقتا من الأوقات وقال إن الجمع بين الاستواء على العرش والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن وإن كان بالنسبة للمخلوق غير ممكن لأن المخلوق محدود وإذا استغلت به وإذا انشغلت به وجهة أو جهة خلت منه جهة أخرى أما الرب عز وجل فلا يقاس بالخلق. Donc le cheikh il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, le volume 5 à la page 131, il penche vers l'opinion que le trône ne se vide pas lorsque Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier des cieux. C'est-à-dire que quand il descend au dernier des cieux, il est toujours en même temps sur le trône. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il est élevé au-dessus de son trône et il n'a pas mentionné d'exception dans le temps par rapport au fait qu'il est au-dessus de son trône. Comme s'il n'a pas dit qu'il est au-dessus de son trône à certains moments et non à d'autres. Donc il n'a pas mentionné ou spécifié de temps dans lequel il ne serait pas sur le trône. Donc ça implique qu'il serait toujours sur le trône. Et le cheikh dit donc qu'on peut réunir entre le fait que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, et le fait qu'il descende au dernier des cieux, et que ça c'est possible de les réunir les deux ensemble, même si pour des créatures ce ne serait pas possible, parce que les créatures sont limitées. Toutefois, yani, le cheikh il dit, une créature, elle, si elle est occupée d'un côté, eh bien, elle peut pas, yani, elle est... C'est-à-dire que si elle est occupée par une chose, elle peut pas faire une autre chose en même temps. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne peut pas être comparé à ses créatures. Il peut faire tout, hein. Il peut faire tout. Et donc, quand il est sur son trône, il peut en même temps, être au dernier des cieux et descendre au dernier des cieux et demander, répondre à ceux qui lui demandent et ainsi de suite. Peu importe le nombre de personnes qui lui demandent en même temps. Il n'y a pas une personne qui le distrait d'une autre. Donc ça, c'est ce que le cheikh il a mentionné à ce sujet-là. Ensuite, il dit, في الثلث الأخير حين يبقى ثلث الليل الآخر, jusqu'à ce qu'il reste que le dernier tiers de la nuit. Donc là, il va expliquer cette partie-là maintenant. Mais nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va prendre une pause. Puis ensuite, on va commencer Kitab al-Tawhid, inshallah. Ce cours, on va le continuer la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.